La chute. Il n'y a pas à dire, mais quand les dieux ou les destins, comme vous voudrez, ont décidé qu'ils vous feraient trébucher sur la route de la gloire ou de la fortune, il est inutile de regimber. Aussi bien que le plus gigantesque pavé, le moindre fétu vous envoie mordre la poussière, et cela quand vous vous y attendez le moins. Ce fut une de ces causes, en apparence bien minime, qui enleva pour le restant de leur jour à Léon Coulot, le chasseur, et à son féal Isidore Cachot, plus connu sous les noms de Gros Isidore et de Gros Léon, la prépondérance sur les affaires communales et le gouvernement de la mairie de Longeverne, qu'il détenait depuis déjà 16 ans. Un joli bail, comme on voit. Ah, les voies de Dieu, on a bien raison de le dire, sont impénétrables. Et ces instruments, inconscients, viennent se jeter dans nos jambes comme des roquets dans un jeu de quilles. Ce qui détermina la chute de Gros Isidore et de Gros Léon, ce fut tout simplement une petite jalousie de chasseur provoquée par un malheureux renard, un vulgaire goupil, un vieux charbonnier à museau chafouin, à queue pelée, et par-dessus le marché, maigre comme un sang de clou. Un matin de mars, ce fut parmi la marmaille de Longeverne une émotion profonde lorsqu'on vit le grand bâti revenir de la forêt en rapportant sur ses épaules un renard qu'il avait muselé avec son mouchoir de poche. Il avait pris la bête au piège. Depuis 8 jours, il la guettait. Tout le village, par les moutards, fut bientôt informé de la chose, s'émut à son tour, et chaque maison délégua un ou plusieurs de ses habitants chez le trappeur pour être bien renseigné et fixé sur ce notoire événement. Le grand bâti avait attaché son renard au pied du buffet de la cuisine, et les visiteurs défilèrent devant le prisonnier. Ils trouvèrent généralement que messire Goupil faisait une sale gueule, et ça leur paraissait drôle, car ils ne songeaient point à se demander la gueule qu'ils auraient faite eux-mêmes dans des circonstances analogues. Ils questionnèrent le grand bâti. « Qu'est-ce que tu veux faire ?»« Je vais le tuer pour avoir la peau qui est encore bonne, » déclarait le traqueur. « Sans compter les 40 sous de prime, c'est une femelle ?» interrogeait le voisin. « Ça, je sais pas. Je suis pas allé le regarder sous la queue. Mais si tu veux voir, te gêne pas. »« Il est gras ?» s'enquérait un autre. « Ben, vas-y, tâte-lui le rable. » Prudemment, l'amateur déclinait l'offre, tout en se réservant un petit quartier de bidoche. « J'ai déjà promis le traîne derrière à Gibus et à Pigy. » répondait Bâti, dont la femme s'opposait énergiquement à empoisonner ses casseroles en cuisant un gibier si haut en odeur. Pour le reste, choisis. Et le renard, d'avance, fut promis, distribué, partagé entre 5 ou 6 amateurs de cette viande au fumet puissant. Gros Isidore et Gros Léon, prévenus eux aussi par la rumeur publique, ne manquèrent point d'accourir, et vivement intéressés parce que de la partie, s'enquirent minutieusement de l'endroit où le voisin avait repéré son renard et de toutes les péripéties de la capture. Ils félicitèrent de sa chance leur confrère occasionnel, tout en dissimulant avec soin la pointe de jalousie qui se mêlait à leurs compliments. « Sacré grand bâti, t'y vénard ?» Et en dedans, ils songeaient. « Pff, c'est pas à nous qu'une telle aventure voulait arriver. Pourtant nous payons 28 francs de permis de chasse, 10 francs d'amodiation. » Sans compter l'impôt et la nourriture des chiens. Comment vas-tu le tuer ? Interrogea Isidore. Avec une trique, expliqua Bâti. Je vais l'assommer à coups de rondin sur la tête ou sur l'échine. Mais c'est idiot ! Se récria Léon. C'est criminel, renchérit Isidore. On ne tue pas une bête sauvage de cette façon. Faut lui flanquer un bon coup de fusil dans les côtes, c'est plus humain. À cette affirmation de sentiments humanitaires, Bâti ne contredit point, mais il objecta simplement qu'il n'avait pas de flingot. « Ne sommes-nous pas là ? » ripostèrent les deux autres. « Si tu veux, nous allons revenir dans quelques minutes. T'attacheras ton renard à un piquet et on te le fusillera à 30 mètres. »« C'est peut-être un peu loin, » émettait le traqueur. « Tu voudrais pourtant pas qu'on le massacrât ? Tirer plus près, ce serait un assassinat. »« Va pour 30 mètres, » approuva Bâti. Vaincu par ses scrupules et que la corvée d'assommer une bête à coups de trique n'enchantait au fond que tout juste. La nouvelle fut bientôt connue et tous les gosses du pays, ainsi que de nombreux amateurs, revinrent avec les deux chasseurs devant la porte de la cuisine, où le malheureux condamné tremblait, hérissé, les dents claquant, attendant qu'on l'exécutât. À un petit chêne, au milieu du terrain communal, le grand bâtisse en fut attaché son prisonnier, puis se retira tandis que tout le monde se massait derrière les deux chasseurs qui apprêtaient leurs armes. « N'approchez pas trop, recommanda Zidore, vous nous chargeriez la main. Tu tireras le premier, ajouta-t-il en s'adressant à Léon. Moi je resterai en réserve au cas où tu le manquerais. Le manquer ? Se rebiffa gros Léon. Pour qui tu me prends par hasard ? Tire donc, fit Zidore de son air goguenard. Au bout de sa ficelle, le renard se secouait et se démenait comme un possédé. La corde est bonne, rassurait Batty. Elle ne est solide. Sa casquette en arrière, le coude haut, les jambes écartées selon les principes acquis jadis au 35e d'infanterie, Léon ajustait la bête, tandis que les gamins se bouchaient d'avance les oreilles tout en écarquillant les yeux. Bam ! Un coup formidable retentit. Le renard, affolé par le sifflement des plombs, donna une si furieuse secousse que la corde, à moitié coupée par la décharge, se rompit net et qu'il prit la fuite. Bam ! Un nouveau coup partit. C'était gros Zidore, cette fois, qui tirait. L'animal culbuta. « Hein ? Si j'avais pas été là, tu vois bien que j'avais raison. »« C'est pas possible, » protestait Léon, « que je l'ai manqué. Pas possible, non. Je me connais. Je le couvrais bien de mon coup de fusil. Il était sûrement touché, blessé. Blessé à mort, oui. Sûrement il serait pas allé loin. C'était bien inutile que tu tires. C'est une cartouche de fichu, tout simplement. »« Inutile ? T'en as du toupet. Sans moi, il filait bel et bien, et on pouvait se bomber pour le revoir. » La discussion se montait, s'envenimait. « T'es qu'un maladroit. Et toi, un mal appris. » Mais un cri général, poussé par les gamins, les calma et les réconcilia immédiatement. « le renard qui se réveille, le renard qui fout le camp. » Messire Goupy, vaguement étourdi par quelques plombs qui lui avaient meurtri la caboche, se réveillait en effet, fort opportunément, et sans demander de plus amples explications, profitait de l'algarade pour gagner le large, en portant le bout de la corde coupée par le plomb de gros Léon et le mouchoir du grand bâti. Bam ! Bam ! Les deux coups de fusil des deux chasseurs partirent encore presque simultanément. Mais le vieux renard, qui n'avait pas mis ses quatre pieds dans le même sabot, était déjà loin. « Nom de Dieu ! C'est de ta faute, rageait Léon. » « Pas vrai, c'est de la tienne. » Batty ne l'entendait pas ainsi. « Oui, fais perdre mon renard. Ça se passera pas comme ça. Ah, mais non. La peau valait bien 15 francs. Faut me les payer ou je vais au juge de paix. Et la prime, donc 40 sous. C'était une femelle. » « Dis rien, on te le remboursera, » concilia Léon. « Tu le rembourseras, » précisa Zidore, « parce que si t'avais pas coupé la ficelle, moi je l'aurais pas manqué. » Des nefs, t'avais qu'à tirer le premier. Tu m'as émotionné en me disant que je le manquerais. Oui ou non, payerez-vous ? Insista Batty. Oui, oui, on te réglera ça, répondirent-ils, pour ne pas prolonger une discussion qui faisait pleuvoir sur eux les railleries et les colibets. Est-ce qu'il doit rigoler, le renard ? Voilà comment on se monte un petit trousseau. C'est vrai, se ressouvint Batty. Et mon tire-jus, et ma corde. « C'est 20 sous de puce, une corde toute neuve. »« c'est bon, tais-toi. » Batty, rassuré, se calma. Mais pendant ce temps, Gibus regardait Pigy, et Pigy regardait Gibus. Et les autres amateurs, à qui l'on avait promis et distribué la viande du renard avant de l'avoir tué, se regardaient avec des yeux ronds comme des prunelles de hibou. « C'est des cochons, » déclara net Gibus en parlant de Léon et de Zidore. « Des voleurs, » renchérissait un autre. Et ils pourront se brosser pour avoir ma voix au mois de mai. Si on allait en parler un peu à l'auberge. Et tandis que le brave renard, miraculeusement sauvé, se libérait du mouchoir muselière et de la corde de Batty, 5 hommes, 5 électeurs conscients, juraient sur le verre qu'ils allaient boire de flanquer à la porte du conseil municipal les misérables dont la maladresse les privait d'une ventrée dont ils s'étaient pour lécher d'avance les badigouins. Le jour venu, ils votèrent comme un seul homme, car on ne badine pas avec le ventre. Et Zidore et Léon furent blackboulés, et tous leurs féaux avec eux. Et voilà quelle fut l'origine de la dégringolade des deux plus riches propriétaires de Longeverne. Car à dater de ce jour, ni Gros Isidore, ni Gros Léon ne présidèrent plus jamais aux destinées de leur pays natal. Étonnez-vous donc, après un tel malheur, qu'ils aient cherché des consolations dans le vin.